Bien le bonsoir, chers amis auditeurs de la UDO. Je m'appelle Daniel Fouché et c'est avec un immense plaisir que ce soir j'inaugure un tout nouveau programme dans cette station qui est la vôtre et qui aura pour titre « Le train de la musique ». Je serai avec vous tous les dimanches soirs de 8h à 9h et pour vous présenter toute une collection de chansonnettes françaises. Je sais que peu d'entre vous comprennent les paroles. Mais je serai bref dans mes commentaires afin de vous donner l'opportunité d'écouter plus de musique que ma voix, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, j'envoie un gros coup de chapeau à une personne qui est très chère à tous ses collaborateurs, ici à la radio. Et je veux parler de notre chère amie, Madame Mercedes Corrales. Et aussi, je dois vous dire que sans son apport inconditionnel, ce programme n'aurait pas lieu. Donc, disons tous merci à Métier. Merci, Métier. Et pour te montrer notre gratitude, nous te dédions ta chanson préférée, chantée par une vedette bien connue du monde de la chanson. C'est Mireille Mathieu qui nous interprétera « La vie en rose ». Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Quelque chose, il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureuse, heureuse en mourir. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Je sens en moi mon cœur qui bat. La la la la la la la la la la. Mon cœur qui ce soir, nous vous dirons que le programme sera comme un duel entre deux chanteurs bien connus du monde de la chanson française. Nous voulons parler de M. Charles Aznavour et aussi de M. Gilbert Bécaud,

toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Arrêtez maintenant pour une pause publicitaire, chers amis. Ne partez pas. Je continuerai avec vous jusque dans quelques instants. C'est d'accord? Merci.